Section 53 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 22. Lorsqu'une personne est enfermée dans un établissement public d'aliénés, la loi donne d'office l'administration de la personne et des biens de ce malade à la commission de surveillance de cet établissement. Mais lorsqu'au lieu d'un établissement public dirigé avec des garanties de probité, il s'agit d'une maison de santé établie par la spéculation particulière, la loi n'a plus la même confiance et elle ne confère point la gérance de la fortune des malades au directeur de ces maisons. Dans ce cas, les tribunaux interviennent. Et si le malade n'est point interdit, s'il a de la fortune ou tout au moins des biens, il nomme une personne qui a pour mandat d'administrer cette fortune. Et ordinairement, ils prennent pour administrateur l'un des parents de l'aliéné. C'était ainsi que Georges, après délibération du conseil de famille et sur les conclusions du procureur impérial, avait été choisi pour être l'administrateur provisoire de la fortune d'Emmanuel. L'accomplissement de cette fonction avait eu pour résultat obligé d'établir bien vite des relations suivies entre Charlotte et lui. Tout d'abord, il est vrai, Charlotte avait persisté dans sa résolution de ne voir personne. Et à la première lettre par laquelle il lui avait demandé une entrevue, elle avait répondu qu'elle ne voulait pas s'occuper d'affaires et qu'elle le priait de faire pour le mieux. Mais bientôt, elle avait été forcée de sortir de cette réserve. À la réunion du conseil de famille, elle s'était trouvée en présence de Georges. Elle avait dû répondre à ses interrogations. Et dans une discussion qui s'était engagée, on l'avait doucement blâmée de sa résolution. Assurément, la douleur était des plus respectables, mais enfin les affaires sont des affaires. Il ne fallait pas laisser en souffrance des intérêts qui, eux aussi, étaient respectables. Les parents d'Emmanuel, ceux que la loi appelle des héritiers présomptifs, avaient été les premiers à insister sur ces observations. Sans être embrouillés, les affaires d'Emmanuel étaient assez compliquées, comme il arrive ordinairement pour les fortunes immobilières d'une certaine importance. Elle avait eu des explications personnelles à fournir, des signatures à donner, et tout cela avait nécessité de nombreuses conférences avec Georges qu'elle avait dû quand même lui accorder. Quel motif eût-elle pu avouer hautement pour les refuser? Elle n'en avait qu'un, et bien légitime celui-là, mais précisément elle ne pouvait pas en parler. Comment déclarer au juge de paix et au conseil de famille que Georges ne pouvait pas être nommé administrateur provisoire pour cette unique raison qu'Emmanuel était jaloux de lui? Comment faire entendre à Georges que si elle ne voulait pas le recevoir, c'était pour épargner des soupçons à son mari? Le jour où celui-ci, rentrant guéri dans sa maison, voudrait savoir ce qui s'était passé en son absence. Il y a des choses qu'une femme ne dit jamais, à moins de tout dire. Son silence même, sa persistance à s'enfermer dans une réserve absolue, eussent été une sorte d'aveu. Elle avait donc répondu aux interrogations de Georges. Puis, peu à peu, elle avait été amenée à lui poser elle-même quelques demandes. Seulement, elle avait eu grand soin de s'en tenir strictement aux affaires. Ce n'était point pour elle, ce n'était point d'elle qu'elle parlait. C'était pour Emmanuel, c'était de lui. Mais les femmes ont une façon de traiter les questions d'intérêt qui n'est pas celle des gens d'affaires. Dans leur détermination secrète, aussi bien que dans leurs paroles, la question du sentiment intervient toujours. Cela était arrivé pour Charlotte. À son insu, elle avait été amenée à entrer dans des explications à propos de ses décisions ou de ses désirs. Des discussions s'étaient engagées, et pour les soutenir, elle avait été moralement contrainte à donner les motifs qui la faisaient agir. Ce n'était pas à Georges qu'elle pouvait dire « je veux parce que je veux ». Engagés dans cette voie, ils avaient été vite et ils avaient été loin. Comment à chaque pas ne point retourner en arrière? N'était-ce pas rentrer en eux-mêmes? Comment, disait Georges, à propos d'une idée que Charlotte lui soumettait, « c'est là ce que vous voulez? Autrefois, vous n'auriez point pensé ainsi. » Nous ne sommes plus à autrefois. Elle le disait, elle le croyait, mais au contraire, ils étaient à autrefois. Comment échapper aux souvenirs qui les enveloppaient? N'avait-il pas, pendant de longues années, vécu de la même vie? N'avait-il pas eu les mêmes idées, les mêmes espérances, les mêmes joies? Ce mot seul, autrefois, les amenait invinciblement sur une pente gazonnée et fleurie, le long de laquelle ils descendaient doucement, sans qu'il leur fût possible de se cramponner et de s'arrêter. Il fallait dévaler jusqu'au fond, et là, ils se trouvaient en plein dans leurs années de jeunesse et d'amour. Si leur bouche, alors, se taisait, leur cœur parlait. Que de souvenirs! Pour échapper au vertige qui la troublait, Charlotte se rejetait aussitôt dans les affaires. Elle voulait des explications, des commentaires, et elle forçait Georges à parler. Mais le bruit de ses paroles ne dominait pas le tumulte de son cœur. Alors, elle se promettait de ne plus se laisser entraîner sur ce terrain et de s'en tenir strictement aux choses d'intérêt. Mais cette résolution était pour elle plus facile à prendre qu'à exécuter fidèlement. Georges, qui pendant les premiers temps n'était venu rue de Boulogne que lorsqu'il avait des affaires urgentes à traiter avec elle, y venait maintenant régulièrement chaque soir. « Puisque vous allez tous les jours chez le docteur Bergeret, avait-il dit, tandis que moi, je ne puis y aller que trop rarement, retenu que je suis par mes occupations, je viendrai quelquefois le soir prendre des nouvelles d'Emmanuel. Je vous écrirai chaque soir en rentrant, si vous le désirez, avait-elle répondu. Je vous remercie, j'aime mieux venir, si vous le permettez. Nous n'en sommes pas encore, malheureusement, à une période où son état se puisse définir par un mot précis. Hélas, vous vous expliquerez mieux en paroles que par lettres, ou tout au moins je ressentirai mieux vos impressions. Et c'est par ces impressions surtout que nous pouvons en ce moment nous faire une opinion. Elle avait cédé. Comment refuser cette demande? C'était par amitié, par intérêt pour Emmanuel qu'il agissait. Là encore, un refus eût été trop caractéristique. Après avoir commencé par ne venir que tous les 3 jours, Georges était venu tous les 2 jours, puis enfin tous les jours, régulièrement. Charlotte, qui allait à Vélizy chaque jour, ne rentrait à Paris que vers 6 ou 7 heures, selon qu'elle avait pu prendre tel ou tel train. À 9 heures, Georges arrivait rue de Boulogne. Avant tout, son premier mot était pour demander des nouvelles d'Emmanuel, et longuement, il se faisait expliquer dans quel état elle l'avait quitté. L'avait-elle vu? L'avait-il reconnu? Que disait, que pensait le docteur Bergeret? C'était seulement quand il s'était fait donner tous les renseignements qu'il pouvait demander sans inconvenance qu'il abandonnait Emmanuel. Encore semblait-il vouloir surtout apporter une diversion au chagrin de Charlotte et à sa propre émotion. « C'est quand nous avons perdu ceux qui nous étaient chers, disait-il, que nous savons seulement combien nous les aimions. J'espère qu'Emmanuel n'est pas perdu pour vous, mais il est assez malheureux pour avoir droit à toute votre pitié. Sans doute ces paroles pouvaient... Elle devait même calmer les inquiétudes qui, tout d'abord, lui avaient fait désirer l'éloignement de Georges. Cependant, elle ne la rassurait pas complètement, et ce n'était pas sans un certain serrement de cœur qu'elle voyait entrer Georges chaque soir. Que craignait-elle? Elle ne pouvait pas le préciser. Comment se fût-elle fâchée de ces témoignages de sympathie? Dans sa douleur, ce lui était maintenant un soutien de pouvoir parler de son mari. Parfois même, on eût dit qu'elle le faisait avec une sorte d'affectation, comme si elle tenait à affirmer hautement sa tendresse et son amitié pour ce mari. Alors elle se plaisait à dire combien il était bon, combien il l'aimait, combien elle l'aimait. Georges ne manifestait aucune gêne lorsqu'elle parlait ainsi, tout au contraire, il l'appuyait. Assurément, ce n'était point elle-même. Elle aimait Emmanuel et n'aimait que lui. Si autrefois elle avait aimé Georges, cet amour était mort, et ce n'était plus qu'un cadavre qu'elle portait enseveli au fond de son cœur. Ce n'était pas davantage Georges qu'elle redoutait. Lui aussi, lui le premier, avait laissé s'éteindre cet amour de sa jeunesse. Dans sa vie dévorée par l'ambition, il n'y avait plus place pour la passion, ni même pour la tendresse. S'il avait aimé, il ne l'aurait point abandonnée autrefois. Pourquoi reviendrait-il à elle maintenant, puisqu'il s'était éloigné quand elle était libre et qu'elle pouvait devenir sa femme? Ses craintes étaient sans fondement. Elles étaient même une injure pour Georges. Cependant, ces raisonnements qu'elle échafaudait, les uns par-dessus les autres, ne parvenaient à la convaincre. Et au fond de sa conscience ou de son cœur, il y avait une voix qui protestait contre la présence de Georges dans cette maison. Elle n'aurait pas dû la tolérer. Et si elle avait bien cherché, elle aurait sans doute trouvé quelque moyen pour l'empêcher. Mais c'était au début qu'il aurait fallu trouver ce moyen. Maintenant, il était impossible d'interrompre le cours des choses. Cependant, les semaines et les mois s'écoulaient lentement, sans apporter une amélioration sensible dans la maladie d'Emmanuel. La guérison promise par Louville et par le docteur Bergeresse ne s'était pas prononcée. Et si la crise de délire aiguë qui s'était manifestée pendant les premières semaines de l'isolement s'était peu à peu apaisée, elle avait été remplacée par un affaissement moral et une apathie intellectuelle qui constituaient un état grave. Chaque jour, Charlotte revenait à Paris, moins confiante dans l'avenir, et après avoir cru un moment aux espérances que lui donnait le docteur Bergeresse, elle commençait à douter fortement de sa parole. « Il veut garder éternellement Emmanuel, » disait-elle à Georges. « Il ne le guérira jamais. » Ses plaintes devinrent tellement vives que Georges lui proposa d'aller avec elle, à Vélizy. Il interrogerait le docteur Bergeresse, et elle présente, il le forcerait à s'expliquer catégoriquement. Croyait-il ou ne croyait-il pas à la guérison ? La question ainsi posée, il faudrait bien qu'il répondît. Il fut convenu qu'ils iraient à Vélizy le mardi suivant et qu'ils partiraient de Paris par le train de 2 heures, Georges étant occupé jusqu'à ce moment. Mais il se trouva en retard, et au lieu d'arriver rue de Boulogne à l'heure convenue, il arriva 1 heure après, de sorte qu'ils ne purent prendre que le train de 3 heures et qu'ils n'arrivèrent à Vélizy qu'à 4 heures seulement. En descendant de voiture, Charlotte remarqua que Georges disait quelques mots à mi-voix au cocher, mais elle n'entendit pas ses paroles. Et d'ailleurs, elle n'avait pas de raison pour y faire attention. Fin de la section 53.